day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it, and said, let's fly away. La question « Sommes-nous seuls dans l'univers » vous fait-elle sourire ou vous effraie-t-elle? À moins qu'elle ne déclenche qu'une seule chose, l'indifférence totale. Et c'est vrai, pourquoi regarder en haut? Pourquoi regarder ailleurs quand il y a tant à faire ici-bas? Pourquoi s'intéresser à l'au-delà cosmique quand notre planète croule littéralement sous nos pas? Eh bien peut-être parce que nous avons besoin de ce détour par l'altérité radicale pour mieux comprendre qui nous sommes, ou tout simplement pour mieux vivre ensemble. C'est ce que pense Kant, on verra ça mercredi prochain. Mais c'est avec ce type de question qu'apparaît de manière flagrante l'absurdité totale de séparer d'un côté la philosophie et de l'autre la science. Alors commençons sans plus attendre avec la réponse du physicien Gabriel Chardin. Oui, j'ai bien dit physicien. Bien sûr, monsieur. Ah non, trois fois rien. Il y a des gens qui ont vu des femmes en rose, du coup ils sont très inquiets. Allez savoir. Ah non, oui, bien sûr, monsieur le ministre, nos meilleurs ingénieurs sont déjà sur le coup. Mais absolument, c'est la crédibilité du CNES. Et du pays, bien sûr. Bien, bien, monsieur le ministre. Merci de votre confiance, monsieur le ministre. Bernard, j'ai tout vérifié. Chaque ligne de calcul, chaque carte perforée, alors fais ce que tu dois faire, mais sache que je n'ai fait aucune erreur. T'inquiète pas pour ça. Dis-moi plutôt... Tu connais le GEPAN? Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin, les ovnis, quoi. Le chef du département a donné sa démission la semaine dernière. Du coup, c'est moi qui me coltine l'intérim. Mais il existe vraiment, ce bureau? Je croyais que c'était une blague. Non, c'est pas une blague. Au début, c'était juste un petit bureau pour faire des stats, et puis ils ont eu la brillante idée d'acheter un téléphone, et maintenant, ils croulent sous les appels. Là, il y a 15 piafs morts dans un champ, et il faudrait que je me tape 90 bornes pour l'expliquer que c'est pas la faute des martiens? Bah non. C'est pas ton travail. Bah exactement. Non, là, j'ai besoin de... quelqu'un de solide. Moi? Mais oui, toi. Pourquoi tu crois que je te raconte tout ça depuis une heure? Non, mais moi, j'y connais rien en OVNI. Écoute, c'est pas compliqué. Tu y vas, tu fais redescendre tout le monde sur Terre, tu fais ça très bien, et surtout, tu te débrouilles pour qu'on ne parle pas de soucoupe volante aux actualités du soir. Bonjour, Gabriel Chardin. Bonjour. Ben on en parle le matin, en tout cas, de soucoupe volante. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, physicien. Est-ce que si on vous proposait de prendre la direction du GEPAN, l'unité spécialisée en OVNI du CNES, est-ce que vous accepteriez? Probablement pas, mais le sujet est intéressant quand même, de savoir si... dans notre galaxie, parce qu'on va parler essentiellement de notre environnement relativement proche de galaxie en galaxie, il y a vraiment des distances trop grandes, il y a ou pas de la vie. Vous venez d'entendre un extrait de la série OVNI, est-ce que vous l'avez vu? Non, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. C'est une série créée par Clémence Dargent et Martin Douard et réalisée par Anthony Cordier, une excellente série d'ailleurs, je vous conseille de la regarder, elle a le mérite de prendre au sérieux la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, y compris d'un point de vue scientifique, et de jouer avec notre appréhension. C'est-à-dire que quand on pose cette question, au fond, les gens ont déjà une réponse toute faite. Soit, c'est non, évidemment, pourquoi la question se pose-t-elle? C'est de la science-fiction. Soit, et c'est ça qui nous intéresse ce matin, non, scientifiquement, la question a un intérêt. C'est votre cas. La question a tout à fait un intérêt, et on peut dire d'ailleurs que l'éventuelle détection de vie extraterrestre, sans aller la voir nécessairement, est une question de grande actualité scientifique, dans le sens que depuis un peu plus de 20 ans, on détecte un nombre de plus en plus grand d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes qui se tournent autour d'étoiles dans d'autres systèmes solaires que le nôtre, et qui sont, dont certaines d'entre elles peuvent être des candidats, des candidates à accepter la vie, à accueillir la vie. Pourquoi vous dites que c'est une question d'une grande actualité scientifique? Du fait que on doit être à peu près 5000 exoplanètes confirmées, plus ou moins, je sais pas le nombre exact de confirmées peut être discuté, et puis il y en a encore probablement 2-3000 dans les tiroirs qui sont dans la vérification. Donc on a un grand nombre de planètes. On se dirige aussi vers des méthodes permettant d'identifier des terres ou des super-terres, c'est-à-dire pour le moment, c'est quand même la majorité des planètes qu'on voit sont les plus grosses, c'est-à-dire nos Jupiter, nos Saturne, des planètes assez impropres à la vie parce que c'est des géantes gazeuses. D'un autre côté, on cherche plutôt à détecter des petits objets durs avec un cœur solide et si possible de l'eau aussi parce que l'eau est très propice à la vie. Et donc ça, c'est plus difficile à détecter. On n'a pas tant que ça de candidats exoplanètes, Terre ou super-Terre. Vous avez coécrit avec Mathieu Hageloup, vous êtes Gabriel Chardin, Jean Duprat, Alexandre Delegue et Roland Lehoucq, un livre qui s'appelle « Où sont-ils ?» les extraterrestres et le paradoxe de Fermi. Alors, on va venir dans un instant à ce que c'est que ce paradoxe de Fermi. Mais si vous posez la question « Où sont-ils ?», ça veut dire que vous n'avez aucun doute sur leur existence. Alors, on a des doutes quand même, malgré tout. Mais l'analyse du problème d'un point de vue scientifique, comme avait commencé à le faire Fermi dans les années 50, Enrico Fermi, un très grand physicien italo-américain, prix Nobel par ailleurs, un calcul élémentaire semble indiquer, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le calcul, que dans notre galaxie qui héberge typiquement 250 milliards d'étoiles, plus ou moins 50, mettons, milliards, il y a probablement, à l'heure actuelle, des millions, voire même plus, de planètes accueillant la vie. Sous une forme pas nécessairement aussi évoluée que c'est la nôtre. La vie, peut-être... ça peut être une cellule ? Voilà, la vie cellulaire, on dévoile un peu la réponse, peut-être un peu rapidement et sans étayer beaucoup, mais la vie monocellulaire, si on avait un pari à faire, on n'a aucune preuve stricte, on aurait tendance à dire qu'elle a été, elle est et elle sera encore pendant assez longtemps très courante dans notre galaxie, avant que tout s'éteigne tout doucement en des milliards d'années. Et donc, la question suivante, c'est, et s'il y en a autant maintenant, dans le passé, etc., pourquoi ne les voit-on pas ? Et c'est ça le paradoxe de Fermi. C'est le paradoxe de Fermi, oui. C'est si il est aussi probable que la vie existe en dehors de la planète Terre, pourquoi est-ce qu'on n'a encore jamais été en contact avec elle, c'est ça ? Oui, donc Fermi, à l'occasion de son... Mais racontez-nous, parce que c'est intéressant. De son déjeuner journalier avec ses collègues à ce qui allait devenir après le Fermi Lab, le laboratoire de Fermi à Chicago. Donc ils sont à la cafétéria pour déjeuner. À la cafétéria, tout à fait, sur une nappe en papier, où je ne sais pas si elle était en tissu ou en papier, mais probablement en papier, griffonne quelques petites équations et... En gros, écrit ce que va écrire Drake de façon un tout petit peu plus formelle un petit peu plus tard. Donc, Frank Drake qui va formaliser un peu cette pseudo-équation. C'est pas tout à fait une équation. On multiplie des termes qui sont quand même pas tout à fait indépendants les uns des autres. On commence par calculer le nombre d'étoiles dans la galaxie, donc qui maintenant est quand même assez bien connu, surtout avec l'astronomie infrarouge, parce qu'à l'époque, il y avait le centre de la galaxie était quand même très, très obscurci à leur la vision. Le nombre d'exoplanètes, ça aussi, ça devient beaucoup plus clair. Et puis, après, la proportion de ces planètes qui, à un moment assez long de leur existence, mettons quelques centaines de millions d'années, ont des conditions propices à la vie. On pourra éventuellement en parler de qu'est-ce qu'on appelle propice à la vie. Et puis voilà, on progresse comme ça. Et puis là, sur ces planètes-là, qui sont encore en nombre de milliards, combien pense-t-on qu'il peut y avoir de l'émergence d'une certaine forme de vie, donc au départ élémentaire, et puis après la vie organisée, après la vie intelligente, et puis après la vie technologique, et puis une fois qu'on a la vie technologique, la vie qui se donne comme objectif au moins d'aller explorer d'autres planètes, pour commencer, quoi, celle de notre système solaire, notre point actuel. C'est-à-dire que si on a au moins notre exemple pour voir que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on est allé regarder jusqu'à à peu près Pluton, Uranus, Saturne, Jupiter. Voilà. La plupart des planètes du système solaire, maintenant, on les observe assez bien. Et on est descendu Il y a une mission sur Saturne. Voilà. Donc on a quand même une idée relativement précise. On a fait atterrir... atterrir, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, ou je sais pas. Un marsir. Ben, ça serait pour Mars, mais oui, on a fait un marsir, effectivement. Et on a, je voulais dire, encore plus difficile. On a envoyé des satellites prendre des échantillons sur des comètes. Donc, des témoins des phases très, très primitives de notre système solaire, où on voit qu'il y a de l'eau, il y a du carbone, etc. Et donc, ça, c'est propice à la vie. Donc, si je vous comprends bien, ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi repose sur une sorte, sur un calcul de probabilité. Oui, tout à fait. Ça n'est pas une équation au sens propre, c'est un calcul de probabilité avec des nombres suffisamment énormes dans les étoiles et les planètes, avec confirmation aujourd'hui, depuis, il y a eu un prix Nobel dédié à Michel Mayor et son collègue, j'ai oublié son nom, mais qui donc a consacré l'observation des premières exoplanètes. Mmh. Et donc maintenant, on en est à des milliers. La question des exoplanètes n'est plus du tout en discussion. On est plutôt en essayer de quantifier le nombre d'exoplanètes de différentes sortes, c'est-à-dire les grandes géantes gazeuses, les planètes avec un cœur solide, celles qui ont de l'eau, ça va être un grand effort scientifique, ont des molécules organiques dont on voit la lumière, parce que là... Voilà, c'est ça, la question, ouais. C'est est-ce qu'on peut les observer, ces exoplanètes, ou est-ce qu'on déduit leur existence des connaissances que nous avons? Alors, bien sûr, on déduit leur existence de signaux assez imparfaits, assez lointains, mais quand même, certaines signatures de molécules complexes depuis longtemps, d'ailleurs, sont utilisés pour caractériser l'évolution chimique. On a des galaxies qui sont extrêmement apparemment primitives, et puis des galaxies qui sont beaucoup plus évoluées. Il y a eu des générations extrêmement visibles d'étoiles à travers notamment des supernovae, c'est-à-dire des étoiles massives qui ont réexplosé, qui ont remis, comme l'avait dit... très très belle expression Hubert Reeves que vous interviewerez plus tard jeudi. Nous sommes des poussières d'étoiles, littéralement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être la première génération d'étoiles. Il n'y aurait pas assez d'éléments solides et au-delà de l'hydrogène et de l'hélium qui sont produits assez copieusement dans l'univers primordial, mais le carbone, l'oxygène, le silicium, etc. Arrivent nettement plus tard. Et donc, dans notre galaxie, il y a eu plein d'explosions de supernovae, plein de productions de ces éléments solides qui vont être quand même relativement nécessaires à la vie. Donc, on se dirige vers carbone et silicium. Et en gros, on élimine le silicium comme beaucoup plus secondaire. On s'était demandé la question, est-ce que la vie est toujours carbonée? Peut-elle être autre chose? Donc le meilleur candidat semblait être le silicium, qui a une chimie assez riche. Et la réponse semble être quand même, c'est infiniment plus facile avec le carbone. Qu'est-ce qu'on appelle la vie dans ce cas-là? Ben, la vie n'est pas nécessairement extrêmement simple à caractériser, mais disons, ce qu'on veut, c'est un système qui s'auto-reproduit, qui va éventuellement pouvoir... se diversifier, réagir à l'environnement. Et donc, la caractérisation précise de la vie reste à définir. C'est ça qui est fou quand même, non? Parce que c'est la question autour de laquelle nous tournons. Enfin, c'est la question essentielle. Et en fait, on n'arrive pas à définir à partir de quel moment on peut parler d'une vie. Alors, on voit que la discussion des virus, là, qui est très, très prenante, est-ce ou pas déjà de la vie? Pas tout à fait, et déjà un petit peu, parce qu'il y a un côté reproductif, mais il faut aussi quelque chose qui arrive de l'extérieur pour qu'il puisse se reproduire, donc il n'est pas tout à fait indépendant, le virus. Mais on voit un peu les éléments qui sont presque des ordinateurs biologiques qui permettent de considérer que l'on a affaire, avec l'ADN, l'ARN, une machine autoreproductrice avec éventuellement un mécanisme aussi de variation, hein, parce qu'il y a des erreurs. C'est une machine qui agit dans un environnement thermique avec une certaine température qui va produire des erreurs. Et avec ces erreurs positives ou négatives, va pouvoir varier, évoluer. Et donc, arriver à des... Il y a un grand saut hein, qui est dans l'équation de Drake, c'est la vie monocellulaire à la vie pluricellulaire, la vie organisée. Là, on ne sait vraiment pas. C'est une grande inconnue. Autant les gens, les scientifiques, probablement, même si on ne sait pas, sont prêts à parier que les acides aminés ont l'air d'être là tout le temps, je veux dire. Hein. Les bases, les briques qui vont ensuite vont servir dans les molécules beaucoup plus complexes comme l'ADN, ont l'air d'être produits de façon, ce que j'appellerais générique, c'est-à-dire systématiquement, dès lors que les conditions de la vie sont réunies, c'est-à-dire de température. Et essentiellement, c'est une plage où l'eau est liquide. Voilà. 0 à 100 degrés, et ça a l'air d'arriver assez facilement, parce que les étoiles balayent un peu les conditions. Hein. On a vu par exemple Mars, il y a quelques milliards d'années, était probablement tout à fait propice à la vie, et trop légère, elle perd trop rapidement son atmosphère, plus peut-être certaines évolutions défavorables. Mais en gros, voilà, il y a eu d'autres planètes qui ont eu des périodes alors que l'on n'est que dans un système solaire. Mmh. Hein. Déjà, il y a au moins deux planètes qui sont candidates, et puis il y a des satellites, il y a des dizaines et des dizaines de satellites autour de Jupiter, Saturne, etc. Donc Titan, par exemple, a l'air d'avoir des conditions propices au moins, et donc un de ces jours, on va probablement aller voir, essayer de regarder avec un appareil stérile s'il y a quelque chose qui a l'air de pouvoir héberger au moins la vie monocellulaire. Voilà, donc tous ces éléments-là font que la vie très élémentaire, on y croit assez bien. Et puis après, la vie pluricellulaire, la vie organisée, ça, c'est la grande inconnue quand même de l'équation. La grande question est de savoir comment répondre à ce paradoxe de Fermi. Donc je rappelle pourquoi, donc s'il y a tant de... Si les probabilités sont en faveur de l'existence d'une vie en dehors de notre planète et de notre univers, pourquoi n'avons-nous encore jamais rencontré cette vie? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce paradoxe. On n'a pas écouté dans la bonne direction. Les signaux des extraterrestres ne nous sont pas encore parvenus. Les signaux sont trop faibles. On a déjà reçu des messages, mais on n'a pas su les interpréter. Voici un élément de réponse avec Premier Contact. Now that's a proper introduction. I am Louise. Ian, you want to introduce yourself? Ian. Louise. You. Who are you? Je crois que ce sont leurs noms. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur les heptapodes. Comment communiquent-ils? C'est là que Louise nous remplit tous de honte. Son premier exploit a été de découvrir qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que dit un heptapode et ce qu'il écrit. Contrairement à toutes les langues humaines, leur écriture est sémasiographique. Elle transmet un sens, elle ne représente pas un son. Peut-être considèrent-ils que notre écriture n'est qu'une occasion manquée de mettre à profit un second canal de communication. Comme leur vaisseau ou leur corps, leur langue écrite n'a pas de direction, ni dans un sens ni dans l'autre. Les linguistes appellent ça l'orthographe non linéaire. Ce qui soulève une question. Est-ce ainsi qu'ils pensent? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et les bruits des extraterrestres. C'est un extrait du film Premier Contact de Denis Villeneuve, sorti en 2016. Nous sommes ce matin en compagnie du physicien et directeur de recherche au CNRS Gabriel Chardin pour tenter de répondre à cette question. Sommes-nous seuls dans l'univers? On la posera chaque jour de cette semaine. Demain avec des philosophes, jeudi avec Hubert Reeves. Et donc ce matin, prenons au sérieux cette question. Vous l'avez dit dès le début, Gabriel Chardin, que scientifiquement la question devait être prise au sérieux, que la réponse dépendait aussi de la manière dont on posait la question. Mais quand on entend ce film, et évidemment il y a tellement de films sur le sujet depuis le début de l'histoire du cinéma, je me demande si un des problèmes que nous avons pour répondre à cette question, la prendre au sérieux, c'est pas aussi que dès qu'on parle de la vie, d'une vie intelligente en dehors de la nôtre, on imagine des extraterrestres. Ici, ce sont des heptapodes avec 7 membres flexibles. On est dans une sorte de délire de l'imagination qui semble nous éloigner de la probabilité scientifique. Qu'en pensez-vous ? Moi, je dirais que on a du mal à sortir de la vie, sinon celle que l'on connaît. Hein. E.T., c'est quand même très très proche, par exemple, de nous, ou... les films de Spielberg, en général, quand ils introduisent des extraterrestres, ça quand même ressemble... Ils nous ressemblent un peu, ouais. Ils nous ressemblent pas mal. Il y a déjà un effort dans Premier Contact pour les sortir un peu, et puis surtout sur le mode de la communication. Mais ils restent quand même assez proches de nous. Donc, essayer d'imaginer la grande diversité de la vie est quand même assez difficile pour nous. On le voit aussi dans la science-fiction qui est... j'aime beaucoup, par exemple, le cycle de la culture de Ian Banks. Malgré tout, l'immense majorité... Il aborde la question, par exemple, de l'inconnaissable ou vraiment l'incompréhensible, La grande communauté galactique, parce que lui fait l'hypothèse que en fait il y a plein de mondes qui sont interconnectés et qui ont accédé, tous n'ont pas perception de cette culture. C'est la Terre telle que nous la connaissons, on serait jugé trop instable ou trop préhistorique pour accéder à la culture, et donc serait maintenu dans une certaine ignorance dans son cycle de la culture. Mais disons, il y a quand même l'idée que ces civilisations peuvent se comprendre. Ça, c'est très très anthropomorphique. C'est ça. Point. Mais est-ce qu'on n'est pas condamné à l'anthropomorphisme ? On est condamné par les limites de notre imagination. On ne peut pas imaginer autre chose que ce qu'on a déjà vu. C'est la structure de l'imagination. Oui, alors il y a quand même un des mises en garde où, je ne sais pas si vous connaissez Solaris de Stanislas Lem, c'est vraiment l'écriture de... Il y a un très beau film d'ailleurs, enfin il y en a deux à vrai dire, ouais, qui sont très différents, un film soviétique et puis un film américain. Tarkovsky d'un côté. Oui, et qui ont des approches très différentes, mais quand même avec un assez bon respect du livre, qui est qu'en fait, il y a une certaine forme d'intelligence, puisqu'on pénètre sur une planète très dangereuse où il y a des structures qui peuvent s'effondrer tout d'un coup, écraser tout ce qui est sous elle. Et donc, quand même quelque chose qui a une certaine intelligence, mais à la fin du livre, on ne l'aura quand même pas compris, quoi. Et on n'a même pas l'idée de comment ça fonctionne, vraiment. Clairement, il y a quelque chose et il serait probablement relativement prudent, même si j'ai dit que la vie telle que nous la comprenons a l'air d'être toujours carbonée, à une très grande probabilité. Sauf qu'on ne l'a pas encore vu en dehors de nous, hein. Et ce serait quand même un élément extrêmement fort que de trouver, alors ça on est en train de le chercher, des traces de molécules bio sur Mars par exemple, pour commencer, puis après sur un ou deux satellites, si sur au moins un ou deux endroits du système solaire on voit des traces de molécules biologiques, là on aura vraiment une indication forcenée que dans des millions, voire des milliards de planètes de notre galaxie, il y a de la vie. C'est pas possible que... Vous en êtes certain? Je dirais que, au point de vue probabiliste, oui, ça devient une évidence. Et après, ouais. Oui. Allez-y, je vous en prie. Après, la question est... qu'est-ce que ça peut être? Tous les combien de temps elles ont envie de regarder? Ou simplement, elles ont la possibilité de regarder le ciel? Elles ont. C'est les autres vies? Ah oui, donc oui, vous pensez que ce sont des vies intelligentes générique. On pourrait être très souvent, et probablement la vie a commencé dans l'eau, milieu favorable. Le milieu aqueux est un milieu et polaire, donc qui va favoriser les échanges entre molécules, va les environnementer de façon avec des molécules qui se polarisent, donc qui vont favoriser les échanges, qui vont abaisser les énergies d'échange, et donc la sortir de l'eau et commencer à regarder le ciel n'est pas une étape tout à fait évidente. Hein. On pourrait être en permanence dans la brume, par exemple, comme sur Vénus, ou on pourrait ne jamais regarder le ciel, comme dans cette nouvelle d'Asimov, où il y a, je crois, trois soleils. Et les rares occasions où les trois soleils disparaissent en même temps et on voit le ciel nocturne déclenche à chaque fois une catastrophe majeure parce que les gens pensent que la fin du monde est arrivée. C'est une très très belle nouvelle de Isaac Asimov, si je me souviens bien, qui pose la question de... il pourrait y avoir des mondes où on ne voit pas le ciel. On n'a même pas l'idée que notre monde n'est pas réduit à notre planète. Mais qu'est-ce que ça changerait vraiment pour nous qu'il y ait de la vie ailleurs ? Pourquoi faut-il aller voir ? Pourquoi faut-il explorer ? Pourquoi est-ce qu'il y a comme une injonction morale ou scientifique ou métaphysique à explorer en dehors de notre planète la possibilité d'une vie ? Déjà, je pense que le scientifique, dès qu'il a une question où il se dit que c'est traitable et il n'a pas la réponse, il est en général intéressé, plus ou moins. Il va catégoriser les questions. Il pourra aussi s'intéresser à matière noire, énergie noire, de quoi sommes-nous faits. Mais il y a autre chose, j'entends autre chose chez vous, Gabriel Chardin, non ? Alors, il y a aussi l'aspect... Donc, moi, je me suis intéressé à cette autre question, matière noire, énergie noire, mais je me suis aussi intéressé au paradoxe de Fermi parce qu'il y a des implications pour nous, philosophiques aussi, à notre façon d'appréhender le monde, historique aussi, avec Giordano Bruno qui... très tôt a posé la question de l'infinité des mondes, ou enfin d'un extrêmement grand nombre, et qui a postulé avec raison que toutes ces étoiles, c'était d'autres mondes, hein, qui a déclenché l'ire jusqu'à la mort pour lui sur un bûcher de l'Église catholique. Et donc la démarche du scientifique qui essaye de poser dans tous les cas la question valide est très importante, je pense. Hein, c'est-à-dire d'aborder la question de façon neutre scientifiquement, sans trop de préjugés. Évidemment, on a notre conviction guidée par certains éléments de réponse. Et ensuite, essayer de... sans poser réellement des équations, l'équation de Drake n'en est pas tout à fait une, arriver à formaliser le problème pour avoir la meilleure probabilité d'arriver à la réponse. Mais est-ce uniquement une perspective scientifique qui vous anime, Gabriel Chardin, ou est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi que finalement c'est peut-être la seule manière que nous avons, nous autres êtres humains sur cette planète Terre qui est en danger actuellement, de nous en sortir ? Eh bien... En tout cas, il y a certainement des éléments philosophiques, économiques, et qu'on a essayé d'aborder dans le petit livre qu'on a fait, là, qui est paru chez CNRS Éditions, qui est en poche maintenant, et où on a essayé de rassembler des spécialistes qui chacun aborde de façon la communication, la probabilité de la vie dans le système solaire, hors du système solaire, les aspects économiques, technologiques, d'aborder un peu la question sous sa globalité, non pas seulement du point de vue du physicien, mais avec des aspects de biologie, d'économie aussi. Pourquoi d'économie ? Parce que, en gros, dans les derniers termes de l'équation de Drake, donc il parle de la possibilité d'avoir une vie intelligente, une vie avec des macro organismes capables d'aller appréhender avec sinon des mains et des pieds, mais quelque chose qui leur permet d'analyser leur environnement, et puis ensuite de vouloir aller ailleurs, donc de bâtir, d'avoir de la technologie en un certain sens qui permet d'aller explorer au-delà de la planète. Et comme on arrive avec là, dans les derniers termes de l'équation, la probabilité d'une vie technologique avec une énorme incertitude, ça c'est clair, a quand même des nombres qui se chiffrent plutôt en millions qu'en unités, et on est la preuve que ça peut exister, parce que ça existe sur Terre. Et on n'aime pas le côté trop... enfin, on voudrait qu'on ne soit pas trop spécifique. Il y a le côté copernicien de l'équation qui on voudrait ne pas être au centre de l'univers. Hein. Et donc, que ça soit assez générique ce qui se passe ici, là, ça nous interroge sur pourquoi on ne les voit pas. Et la réponse la plus... probable semble être que nos civilisations technologiques sont des étincelles au sens cosmique, extrêmement brèves, et disparaissent. Alors on peut en parler, pourquoi est-ce qu'on a des probabilités assez fortes que ça soit le cas. Mais si on regarde le passé, donc le passé lui est connu, notre civilisation, pourquoi n'a-t-on pas entendu une civilisation extraterrestre? Mais déjà, a-t-elle pu nous entendre? Oui. Et donc ça, nous, la capacité d'émettre, c'est depuis maximum 200 ans. Et plutôt 100 ans, et puis plutôt 50 ans. Ce que vous voulez dire, c'est que si une civilisation, j'emploie ce terme-là, je ne sais pas s'il est approprié, mais technologique, a existé avant nous, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé de nous contacter? Ça fait partie de l'équation. Évidemment, c'est pas encore le contact dont on parlait tout à l'heure. Ouais. On voit arriver une soucoupe volante ou quelque chose d'équivalent, un vaisseau spatial qui a la capacité de disparaître d'ailleurs, ou d'apparaître de façon quasi instantanée. Et ça pose la question de la communication avant d'aller vraiment serrer la main aux défauts, les tentacules. C'est pourquoi n'entendons-nous pas ou pouvons-nous nous-mêmes communiquer avec des planètes ou avec des étoiles, des systèmes solaires extérieurs? Et là, on peut à nouveau faire une certaine analyse. L'étoile la plus proche, c'est quelques années-lumière, hein, 4 à peu près, voilà. Donc après, les dimensions dans la galaxie, comme j'ai dit tout à l'heure, aller au-delà de la galaxie, ça fait des sauts assez gigantesques, des millions d'années-lumière en général, donc en tout cas pour les grosses galaxies. Donc ça fait, voilà, on va rester dans la galaxie. Mais dans la galaxie, l'étendue de la partie dense de notre galaxie, nous on est plutôt sur la périphérie déjà, on va dire 25 000 années-lumière entre nous et le centre, qui est extrêmement dense. Hein. Il y a même un trou noir de 4,5 millions de masses solaires. L'âge de notre galaxie n'est pas bien connu, mais c'est de toute façon un processus itératif avec des générations d'étoiles après génération d'étoiles. Mais en gros, l'âge de l'univers, lui, est relativement bien connu. C'est 14, un peu, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, milliards d'années. L'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. Voilà. Donc ça, c'est le décor est planté avec les âges, la dizaine de milliards d'années pour simplifier, pour planètes comme étoiles, comme galaxies, un peu plus pour les galaxies, un peu moins en général pour les planètes, mais il y en a qui durent certainement depuis une dizaine de milliards d'années. Voilà. Et là-dedans, on a l'impression que pour arriver à de la vie organisée, il faut quand même quelques centaines de millions d'années, hein, pour passer de petits éléments monocellulaires à une vie vraiment qui sort des océans, qui va sur Terre, qui commence à avoir des pieds, des branchies, un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir se balader. D'un autre côté, on voit que probablement la vie peut rester pendant très longtemps dans un milieu aqueux, dans l'eau, hein, sans vouloir en sortir, parce qu'elle est commode, la température est agréable, et puis dès qu'on sort, ça crame ou ça sèche, ou ça, peut-être ça meurt, c'est possible aussi. Mais vous apportez un élément de réponse à cette question de savoir pourquoi est-ce que si d'autres civilisations que la nôtre existent, elles ne nous ont pas encore contactées, alors peut-être ne sommes-nous pas en mesure de recevoir leurs messages, mais c'est aussi que peut-être que chaque civilisation, comme la nôtre, est portée vers sa propre extinction. C'est ce qui nous attend. Peut-être que finalement, la vie poussée jusqu'à une espèce de maximum technologique ne peut que se retourner contre elle-même et disparaître. Alors, on n'est pas sûr de ça, mais on peut à nouveau apporter certains éléments de réponse à partir de ce qu'on en connaît. Donc, capacité de communiquer, maximum 200 ans et plutôt un peu moins que 100 ans. Un flash extrêmement rapide à l'échelle des temps dont j'ai parlé, c'est-à-dire des temps de l'univers. Et la capacité future, quand on a la capacité passée, on a aussi une idée en général de la capacité future parce que c'est très bien de dire « ça y est, je démarre une nouvelle phase », mais en général, malheureusement, ce qu'on fait là ne dure que le temps à peu près qu'on a eu avant de découverte de cette phase. Bon, pas nécessairement. On peut avoir le démarrage de l'éclairage technologique, par exemple. Avant, quand on était dans les ténèbres, maintenant, on éclaire facilement avec des LED, etc. Mais d'un autre côté, en général, on est quand même plus ou moins pas trop loin du milieu de la... Donc, ce qui est assez inquiétant sur la phase d'extinction, qui se situerait aussi probablement dans les centaines, milliers d'années au maximum. Après, donc, la question est, si on veut passer au cran suivant, c'est-à-dire aller voir les étoiles, ne serait-ce que les plus proches, là, c'est quand même beaucoup plus difficile que explorer le système solaire. Explorer le système solaire, Saturne 5, c'était à peu près, je crois, de l'ordre du pourcent de la consommation mondiale d'énergie. Mais c'est pour ça que je vous posais la question, pourquoi le faut-il ? Est-ce que c'est pas une perte d'énergie? Alors, c'est une perte d'énergie. Il faut une très, très grande concentration des efforts sur quelque chose, comme on a dit tout à l'heure. Déjà, assurer la nourriture des gens sur la planète, c'est peut-être beaucoup plus important à voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Certainement, c'est important. D'un autre côté, si on se limite à se perpétuer comme ça, avec juste avoir plus d'enfants pour avoir la tranquillité quand on est vieux, c'est quand même pas extrêmement enthousiasmant. Vous dire qu'on a une responsabilité à l'égard de l'univers aussi, c'est ça ? Qu'on doit regarder. Je sais pas si on doit regarder, Terre, mais quoi. Ça. Pour notre organisation et pour notre. Déjà, le bon respect de la planète demande d'analyser, et probablement on n'analyse pas. On parle du réchauffement climatique, alors que le principal problème, c'est qu'on épuise les sols, le cuivre, l'hélium, etc. Tout un tas d'éléments dont on aura besoin probablement dans les générations futures, qu'on va épuiser. Et pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup trop nombreux et qu'on consomme beaucoup trop. Et donc, on n'aborde pas la question qui est un peu tabou, faisons moins d'enfants, en tout cas à notre époque, parce qu'on peut y avoir des époques comme dans Gilead et dans La Servante écarlate, je ne sais pas si vous avez vu la série, parce qu'on a trop pollué la planète, on ne sait plus faire d'enfants, il n'y a quasiment plus de femmes qui portent des enfants. Mais, ou alors, comme dans Interstellar, allons chercher la possibilité de déplacer la vie humaine ailleurs. Oui, mais ça, c'est un peu une escroquerie quand même. Après, le scénario était fait été contrôlé par des grands scientifiques, comme dans Contact, qui était différent de Premier Contact, avec Judy Foster. Le scénario avait été fait aussi partiellement par Carl Sagan et puis avec Kip Thorne, qui entre-temps est le prix Nobel pour la découverte des ondes gravitationnelles, qui a aussi été dans le conseil du scénario d'Interstellar. Donc, comme on le voit, il y a des physiciens de très haut niveau qui se posent la question de savoir comment peut-on répondre. Et puis, avec une certaine inquiétude dans le cas d'Interstellar, on est en train de dévaster la planète. On ne sait même plus, à cause de la poussière, produire suffisamment pour nourrir les gens. Ils vont mourir asphyxiés et de faim, quoi. Après, donc, supposer qu'on va s'informer nous-mêmes, alors c'est un spoiler, hein, faut pas écouter si on a envie de voir Interstellar, mais en s'aidant nous-mêmes par en construisant un trou de ver qui va permettre d'aller vers d'autres planètes pour faciliter notre exploration de l'univers, ça, je pense que c'est un peu une escroquerie. Ouais, c'est le principe de la science-fiction. La question qui est posée, fait, vous semblez vous la poser vous aussi, Gabriel Chardin, tout à fait. C'est quels sont, est-ce que le comment dire, presque déontologiquement, pardon, le physicien que vous êtes doit se poser la question de savoir dans quelle mesure les probabilités de l'existence d'une vie en dehors de la nôtre doit avoir une influence directe sur la manière dont nous vivons aujourd'hui sur la planète Terre. C'est ça la question. Oui. Et donc, si on analyse, en gros, pour arriver en focalisant bien l'effort, à partir de ce qu'on sait faire aujourd'hui, pour arriver, sans garantie d'ailleurs, à aller vers l'étoile la plus proche, qui est quand même dans extrêmement, c'est la banlieue quoi, de par rapport à la galaxie, hein, quelques années-lumière versus 25 000 la distance au centre de la galaxie, où là il y a vraiment beaucoup beaucoup d'étoiles. Peut-être d'ailleurs ça c'est impropre à la vie parce qu'il y en a trop, il y a trop de d'explosions, etc. C'est, il faut probablement de l'ordre de quelques centaines aux milliers d'années. Arriverons-nous à conserver la planète alors que on va non plus avoir le pourcent ou les 10% de consommation de l'énergie totale de la planète, donc une très très grande instabilité. Hein, car quand on lance une fusée Saturne à l'époque, les nouvelles Saturne, les nouvelles fusées de Monsieur Elon Musk, SpaceX, on a une très très grande consommation d'énergie. Et si on donne ça en accession à tout le monde, ou en tout cas, disons, un grand nombre de conglomérats, on a aussi une très, très grande instabilité. On peut faire aussi beaucoup de dégâts. Indépendamment, d'ailleurs, de ça, on voit qu'on fait plein de dégâts. Et donc, la question est, arriverons-nous à rester suffisamment focalisés et peut-on même imaginer une stratégie pour aller survivre au rayonnement cosmique, survivre au temps, il faut des centaines d'années probablement. Enfin, accéder à la vitesse de la lumière, c'est quand même pas évident. On peut imaginer, on a dans notre imagination la propulsion ionique, etc. On voit des méthodes pour arriver petit à petit, mais il faut non seulement accélérer, mais aussi décélérer. Donc, il pose des tas de questions. Et donc, il y a quand même un gap technologie énorme. Il est plus simple d'aller écouter, déjà. Parce que nous, écouter les messages que d'autres nous envoient. Voilà, oui. La meilleure stratégie, c'est d'essayer, je pense, de se rendre compte s'il y a d'autres systèmes dans notre voisinage, le plus étendu possible, qui envoient des signaux organisés, et pas comme des pulsars bip, bip, bip, bip, bip, extrêmement réguliers, mais quelque chose qui a vraiment une structure, éventuellement un message analysable. Pourquoi ça ? Parce que dans une dizaine, quinzaine d'années, on pourra écouter à peu près 100 000 systèmes solaires avec le projet SKA, Square Kilometer Array, donc qui va avoir du mal à être comme Square Kilometer Array, ça veut dire un réseau d'écoute de 1 km carré. Ils n'auront pas 1 km carré dans les 10 prochaines années, ils auront plutôt entre le dixième et le centième de ça. Mais déjà, quand même, c'est une très très grande oreille pour écouter de façon très focalisée. On peut aller pointer l'écoute sur un certain nombre de planètes et de systèmes solaires. Et on a la capacité avec cet outil d'écouter typiquement un radar d'aéroport. Et ça, on sait qu'on fait. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a pu entendre le 15 août 1977, ce signal-là, écoutez? Donc c'est un signal radio capté le 15 août 1977 par le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio, surnommé The Big Ear, au service d'un programme de recherche d'intelligence extraterrestre. Et on a appelé ce signal le signal WOW, wow, c'est ça? Ouais, pourquoi? Parce que je pense que c'est ce que ce sont... c'est un signal qui sortait de l'ordinaire de façon très forte, qui a une certaine structure, qui sort nettement du bruit, qui a de... voilà, de l'écriture à l'intérieur, et donc on a envie de l'analyser, d'essayer de voir, et puis on voudrait en entendre un certain nombre d'autres, si possible avoir, non pas un alphabet, mais quelque chose quoi qui soit une indication d'une indication de vie, d'intelligence, de fabrication. Donc là, c'était l'astronome Jerry Emman qui avait entouré de rouge le signal en question sortie imprimée des résultats. Il avait annoté du commentaire « Waouh !» Donc on l'a appelé le signal. Oui, je pense qu'on l'a mis dans le livre d'ailleurs. Tout à fait. Mais alors là, vous dites que ce qu'on vient d'entendre, c'est une tentative de communication par une espèce ou autre que la nôtre. Ça, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, voilà, c'est le genre de choses qu'on cherche. Et puis si on trouve un nombre suffisamment important de ces signaux, on va chercher aussi à regarder ceux qui sont les plus convaincants du point de vue de la structure, c'est-à-dire du message qu'ils peuvent porter, du caractère non aléatoire, parce que évidemment des événements qui évoluent dans notre univers avec des bursts gamma, par exemple, donc des bouffées de rayons gamma, des bouffées radio, maintenant, ce qu'on appelle les FRB, les Fast Radio Bursts, qui sont une énigme hein, actuellement, mais qui ont l'air de venir un peu partout dans l'univers, donc ils n'ont pas l'air d'être particulièrement associés à des signaux d'intelligence, encore que on pourrait toujours se poser la question. Voilà, on essaierait de repérer quelque chose qui a une certaine structure. Après, il faut se méfier que nos signaux d'aéroport, de radar d'aéroport, donc qui arrosent un peu partout en étant quand même relativement focalisés, donc qui envoient des pinceaux de lumière un peu comme un phare, quoi, vont peut-être perdurer de façon assez brève. Y compris chez nous. Et donc, notre capacité d'émission, pour des raisons d'économie, des raisons de disparition technologique, de catastrophes environnementales, peuvent être extrêmement brèves. Ou alors, on passe à la fibre optique, et puis il n'y a plus rien n'est visible de l'extérieur, parce que c'est beaucoup plus efficace de discuter par fibre optique à quelques gigabits par seconde qu'en émettant comme ça en radio à tout vent. Mais est-ce qu'on reste pas dans l'anthropomorphisme, au fond, en disant qu'on peut communiquer par message? Peut-être que s'il y a une autre intelligence que la nôtre, elle est tellement différente de la nôtre qu'on ne pourra jamais communiquer. C'est tout à fait possible. Vous parlez de structure, mais peut-être que un autre type de vie n'est pas du tout, ne fonctionne pas selon des structures ou tellement différentes des nôtres qu'on ne pourra pas les traduire. Oui, il y a même encore des solutions beaucoup plus radicales, qui est que on ait l'illusion. On sait que notre univers a beaucoup à voir avec un hologramme, par exemple. Donc la gravitation, la structure de ce qui a l'air de tenir les objets ensemble, la loi de Newton, est en fait fondamentalement, très curieusement, liée à une structure d'information. Que diable est-ce que ça a à faire la loi de Newton avec l'information et les hologrammes? Donc c'est une conjecture qui a été lancée au départ par Gerhard Hof, qui entre-temps est devenu prix Nobel, Leonard Susskind, tout un tas de Juan Maldacena. Et donc il y a l'air d'avoir une idée que notre univers est plus ou moins pour être une apparence. Et puis donc, on pourrait être le jeu, quoi, une sorte de construction d'une civilisation tellement supérieure à la nôtre qu'elle joue avec des hologrammes. Et donc, par exemple, ça pourrait être... C'est le miel des complotistes, ce que vous dites. Oui, tout à fait. Oui. Il faut malheureusement... je ne sais pas. C'est une des hypothèses qu'il faut pouvoir considérer et éliminer parce qu'elle n'est pas très productive. Et Ian Banks, dont on parlait tout à l'heure, dans un de ses livres... dit algébriste, je ne sais pas quel l'algébriste probablement en français, aborde cette question qui est, il y a une religion qui est que en fait on peut faire n'importe quoi parce que on est dans une simulation. Il y a aussi un livre de, j'aime beaucoup la science-fiction comme ça a l'air d'être, je le dis avec mes exemples, mais il y a aussi une nouvelle de Philip Dick où en fait Philip K. Dick, oui. Où les gens vivent une certaine situation, et puis des petits éléments bizarres apparaissent, et puis en fait on découvre qu'après, quand ils introduisent trop d'éléments bizarres, ils sont dans un rêve collectif, et hop, ils sortent du rêve. Et petit à petit, quand il n'y a plus assez de participants dans le rêve, le rêve s'arrête, et ils sont en fait piégés dans un vaisseau spatial qui tourne indéfiniment, ouais, autour d'un système solaire, et c'est leur seule façon de survivre, ou alors ils se suicident. Et vous pensez que la science-fiction peut nourrir la recherche scientifique ? Ah, moi, je trouve que c'est un très bon... J'ai beaucoup aimé Contact, Premier Contact, Interstellar, même si j'y crois pas, etc. C'est un bon élément de réflexion. Par exemple, la réflexion, c'est la wormhole, c'est-à-dire les trous de verre qui, ouais, permettent de passer instantanément d'un endroit à un autre de l'univers, est une réflexion extrêmement féconde, très très importante dans la relativité générale. Pourquoi c'est possible en un certain sens et impossible pour des éléments macroscopiques comme nous, c'est-à-dire passer avec un vaisseau spatial à l'interstellaire, ça j'y crois pas par exemple. Mais par contre au niveau microscopique, c'est probablement possible et c'est probablement un des éléments essentiels. Donc être nourri par l'imagination débordante des écrivains, c'est très important. Et c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à opposer les deux, au contraire, dire que la science-fiction relève que de l'imagination et alors que le physicien que vous êtes devrait être du côté de la rationalité. Et au oui, fond, vous montrez que la frontière est poreuse. Aussi, Fred Hoyle, qui était un grand scientifique, avait écrit un très très bon livre de science-fiction qui s'appelait Le Nuage Noir, je crois, Black Cloud, où il y a une espèce de nuage intelligent qui arrive. Alors, au départ, on ne sait pas qu'il est intelligent. Il arrive simplement, il va. Et puis, alors, il déclenche une catastrophe parce qu'il obscurcit. En fait, il stoppe au voisinage du soleil et il déclenche une double catastrophe. Il frotte sur l'atmosphère terrestre et ça fait chauffer tout. Ça crame quasiment tout, sauf quelques rares humains qui sont dans des cavernes protégées de la catastrophe cosmique par la profondeur. Et puis ensuite, par contre, tout est obscurci, donc ça gèle. Je vous conseille la lecture. Oui, ça vous fait rire en tout cas. Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi? C'est le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit donc avec Mathieu Ageloup, Jean Duprat, Alexandre Delegue et Roland Lehoucq, publié aux éditions du CNRS et désormais disponible en poche. On mettra évidemment le livre et la bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci Gabriel Chardin d'être venu nous parler ce matin. Merci à vous. De l'importance de prendre au sérieux cette question. Sommes-nous seuls dans l'univers qui nous accompagne cette semaine? Demain et mercredi, on aura l'approche plus philosophique de cette question. Et jeudi, un grand entretien avec Hubert Reeves. On se quitte avec Dick Annegarn. Citoyens qui êtes de ce monde, fils de terre et fille qui les féconde, la terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein, ni de fourmis, hein, ni plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin, bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'univers. Et beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, l'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Petite gourmandise ce matin, qu'est-ce que le flan a à nous dire sur le plan métaphysique? Eh bien, j'ai évidemment déjà fait une chronique sur le flan, c'est mon gâteau préféré, et une chronique, ce n'était pas assez. Il me restait des choses à dire sur cette spécialité couleur post-it, et comme un post-it, ni trop légère, ni trop collante. Mais par où commencer quand on s'attaque à l'infini sucré du flan? Une anecdote peut-être, celle de mon dernier flan. J'étais à vélo à travers la Grande Seine-et-Marne, la Seine-et-Marne au ciel à la Gréco et au paysage qui s'accumule lentement vers l'est, où il coule comme un bris jusqu'à la Champagne crayeuse. C'était un dimanche midi, à la sortie de la messe, je me suis assis sur un banc devant une safrane surannée qui se remplirait bientôt d'enfants de cœur. Nous étions à Chaumont-Brie, nulle part, mais au centre du monde, mais j'allais entamer le flan que je venais d'acheter à la boulangerie voisine. Quasiment aucun goût, le flan presque parfait, l'extase instantanée. Vous voulez dire qu'un bon flan, c'est un flan qui n'a pas de goût? Peut-il exister une substance sans accident? C'est toute la question. Un morceau de cire qui ne vivrait aucune aventure, une bouchée de flan qui n'exprimerait aucune saveur. Disons qu'il y a l'eau, dont on apprend dès l'enfance qu'elle est inodore, incolore, insipide, énigme dont date en général notre entrée en métaphysique. L'eau est-elle ainsi par essence ou bien parce que, vitale, nous en avons neutralisé les propriétés? Le logipsien Kripke avait imaginé ainsi une planète où le soufre tenait la place de l'eau, sans que cela soit discernable dans les échanges que nous avions avec ses habitants, qui s'étaient adaptés, comme les bactéries extrémophiles des dorsales océaniques, à cet environnement. Buvez-vous cette substance? L'utilisez-vous pour l'irrigation? La trouvez-vous transparente? J'aurais les mêmes difficultés si je devais décrire le flan, notre universel pâtissier, à quelqu'un qui n'en a jamais mangé. Je dirais que ça n'a pas trop de goût, que ce n'est ni solide ni liquide, que c'est d'une couleur indécise qui tire tout juste un peu vers le jaune. Oui, puis j'imagine que vous évoqueriez ensuite le subtil parfum de vanille. Bah, c'est bien sûr toute la question. J'habite en ville et les flans que j'achète sont subtilement constellés de fragments de vanille de Madagascar. Mais le flan dont je parle, celui que j'idéalise, celui de Chaumont-Brie, le flan des confins des zones blanches de la plaine infinie, n'est pas spécialement vanillé. Il ne joue pas à ça, à être bon, à être inoubliable. Il tape directement, par contre, dans la catégorie biblique. Là-bas, loin de tout, où les boulangeries se font rares et où les dimanches durent jusqu'au mardi matin 10h, une boulangerie ouverte, c'est presque une preuve de l'existence de Dieu. Et un flan comestible, générique, c'est la manne providentielle qui sauva les Hébreux pendant l'Exode. Quelque chose de menu, de granuleux, de fin, comme du givre sur le sol. Mais c'est exactement décrit le goût du flan. Cette préparation pâtissière, secrètement synesthésique, dont le goût importe moins que la sensation en bouche, celle d'une fraîcheur un peu grumeleuse, et dont l'appréhension tactile est en même temps si délicate qu'on doit le déposer pour le rendre manipulable sur une pâte insignifiante. Vous nous mettez l'eau à la bouche en tout cas, mais je sens que cette pâte qu'est le flan a un rôle métaphysique à jouer. Oui, car c'est la signature du flan de boulangerie. Donnez-moi du lait, du sucre, de la farine et des œufs, je vous fais une pâte à flan à peu près ressemblante. Mais cette pâte, écrasée et légère, je ne sais pas la reproduire. Et il est là, sans doute en dernier lieu, notre mystère métaphysique. Le flan est une substance presque sans propriété aucune, presque un paradoxe, tant les différents états de la matière y sont représentés de façon simultanée. Mais il faut supposer, pour rendre son existence métaphysiquement valide, que la chose ne fonde pas littéralement entre nos doigts comme un pur accident, il faut imaginer un substrat capable de tenir ensemble ce faisceau coagulé de propriétés éparses, et ceci à l'infini, car en dessous de la pâte était un papier, puis en dessous ma main, et puis la Seine-et-Marne, et la Terre elle-même, et l'univers entier. Beau raccord avec le thème de la semaine. Merci beaucoup Aurélien Bélanger pour cette mise en appétit. On a tous envie de croquer dans un flan dorénavant. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger réalise pour vous cette semaine. La prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. Et on se retrouve demain pour la suite de notre série « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». Demain, on sera en compagnie du philosophe Thibaut Grèce et on s'intéressera à la philosophie, à l'épreuve de la pluralité des mondes, ou comment, depuis le début de l'histoire de la philosophie, eh bien, les philosophes se sont-ils emparés de cette question de la possibilité d'une existence intelligente en dehors de la nôtre. Et vous verrez comment cette question prise au sérieux a pu influencer en retour ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie. C'est absolument passionnant et ce sera demain à 10h. Donc, d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en la téléchargeant, la podcastant grâce à l'application Radio France ou bien en vous rendant sur iTunes, Spotify. Nombreux sont les supports qui vous permettent de réécouter cette émission. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On est toujours ravis de vous lire, de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h donc, avec grand plaisir. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.